jamais dans le doute. Sinon vous vous tromperez de route. Vous ne verrez jamais le bout. Si vous tenez à votre bout. Si vous y tenez coûte que coûte. Vous ne coûterez jamais la goutte. Tout est dans tout, tout est au bout, tout est au bout, tout est dans tout, tout est au bout, tout est dans tout, tout, tout est au bout, tout est pour tout, tout est partout, tout est pour tout, tout, tout, tout, tout, tout. Savoir tout, faut pas que vous borez la route. Sinon vous n'aurez qu'une goutte de tout, tout, tout, tout ce qui est dans tout. Si vous pouvez vous tenir debout en regardant dessous la route, vous verrez que quelqu'un écoute. Seul en tout homme. Tout homme est uni à tout le monde. Tout homme, tout homme, tout homme. Si seul en tout le monde. Si vous pensez que savez tout, vous pouvez bien aller vous foutre. Vous pouvez bien manger vos croûtes. Et la joute, il faut se mettre bout à bout, puis tirer fort dans les deux bouts, jusqu'au milieu du bout à tout. Tout en étant différent de tout homme, tout homme, tout homme, tout homme, identique à tout homme. Semblable à tout homme, tout homme, tout homme, et tout le monde et tout un chacun. Si vous êtes vraiment au bout, faut pas vous poigner sur mes côtes. Il faut tout le temps rester debout, parce que jamais.